c'est le midi quand vous sortez le chien petit. Gugus et son pipi. Et tout le reste c'est. Et moi je vous regarde en bas qui fête quelque part. Autour de l'aléa, l'aléa, l'aléa. Le vent et la pluie maintenant, je suis dans l'océan. Parole, votre jupe s'envole et je deviens le vent. C'est moins intimidant devant le papier blanc. Midi, il y a encore la pluie, Gugus est là aussi. Mais pas de parapluie pour rester à l'abri. Et moi qui n'attendais que ça, je ne vous aperçois. Y a de quoi râler, râler, râler. Avant je devais vigilant guetter le bon moment. Pipi, vous étiez derrière lui et moi j'étais content. C'est moins intéressant quand il va seul, seul, seulement. Midi, y a comme aujourd'hui, Gugus est de sortie. Il flaire les pipis de ses petits amis. Et moi je ne me risque pas, je m'échange ou quoi. Il y a des aléas. Appelle sa maman quand je lui dis descends. Midi, c'est l'heure de son pipi, jamais il ne l'oublie. Mais Gugus est parti, c'est dimanche aujourd'hui. Et moi, devinez donc pourquoi il me manque déjà. Il s'en est allé, allé, allé, avant j'étais comblé le temps de voir l'océan. J'avoue de vous je suis jaloux, je ne suis plus le vent. J'aimerais maintenant devenir votre amant.